couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais. I'm with you. Something inside starts to burn deep. Salut à tous, bienvenue dans On s'écoute ça tout de suite, on est parti pour une belle playlist, toujours avec tout Noé. Ouais, j'espère que tu vas bien. Mais ça va très bien et toi? J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous allez bien. Nous sommes toujours dans notre, entre guillemets... Super, merci pour le gros vent. Quoi, oui, moi je vais très bien, mais j'allais le dire après, de toute façon, on enregistre du matin, et moi je suis pas très du matin, tu sais. Ah, tu vas pas très bien. On a récidivé, on enregistre encore du matin, donc personnellement je vais être légèrement vaseux, hein, parce que je me suis levé il y a une heure en gros. Mais bon, voilà, et toi? Ça va? Et ben moi je me suis levé il y a 2 heures puisqu'on avait rendez-vous à 10h et qu'on commence à enregistrer à 11h03. Bon bref, une fois n'est pas coutume, un nouveau thème, hein. Quel est-il, tiens? Pour les amateurs de Dragon Ball, ouais, ce sera exactement. Fusion. Exactement, donc ça va être les mélanges de genres, on va dire ça comme ça. Exactement. Et d'ailleurs bravo à Titours sur Twitter qui a très bravo vite Titours. Trouvé le thème de cette émission. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir pour lui? Une magnifique photo dédicacée inédite. Oui, exactement. De c'est nous pas deux. Celle que vous avez déjà vue sur Twitter qui a été gagnée il y a 2 semaines. Et on le fait vraiment. Hein, regardez sur Twitter ou Facebook, il y a vraiment les photos de voilà. Notre ancienne. D'ailleurs, il faudra l'adresse de Titours. Oui, t'inquiète pas, je me charge de ça. Très bien. D'ailleurs, tu vas voir, il y a un truc qui allait pas aujourd'hui pendant la préparation de l'émission. J'ai pas eu de soucis pour trouver les morceaux. Bon, ça a pris 2 semaines, certes, mais j'étais tellement pas inspiré pour les notes, c'est particulièrement horrible. Hein. Tu vas voir, je vais me répéter, mais à foison. Bon bah trêve de blabla, hein, je te propose de commencer et c'est toi qui commence cette playlist. Et oui, c'est moi avec un groupe hein, qui, avec les Rolling Stones, a largement défini le concept de rockstar dans les années 70. Ces 4 petits anglais, connus tout d'abord sous le nom de New Yardbirds, ont aussi tenté quelques trucs assez novateurs pendant leur carrière. Led Zeppelin avec un espèce de reggae rock doo-wop bizarre, Jamaica. On s'écoute ça tout de suite. Thank you. titre de la chanson, Jamaica, hein, c'est une référence à une vieille blague britannique. Alors prenez vos calepins, parce que je vais vous les appeler, ça s'écrit D'YER espace MAK'ER et ça se prononce Jamaica. Fait ton bricoleur. Jamaica. Et en fait, la bonne blague, ça disait My wife gone to the West Indies. Et le mec demande Jamaica comme l'île. Ah, d'accord. Mais ça fait le jeu de mots. Jamaica et no, she went on her own. En gros, non, elle l'a fait. D'elle-même. D'elle-même, voilà. C'est le fameux humour anglais. Hein. Mais c'est vraiment une vieille blague anglaise. La chanson est tirée de House of the Holy, un très bon album du groupe de 73. Et Jamaica est considéré un peu comme un morceau blague avec The Crunge, qui est sur l'album aussi, qui sera d'ailleurs la B-side du single Jamaica quand il sortira aux États-Unis. Et les gars de Led Zeppelin n'aimaient pas trop cette chanson d'ailleurs, mais bon, moi je la trouvais assez drôle. Et comme tous les morceaux hein, des Anglais, il y a un paquet de monde qui l'a trouvé super et qui l'a repris, comme Sheryl Crow par exemple, hein, qui en 95, l'a repris en jouant de l'accordéon sur scène. Ah, merde. Les Américains qui jouaient à l'accordéon, ça l'accordéon. C'est l'accordéon. Et plus marrant, hein, j'ai trouvé une vidéo de Lady Gaga en 2006 dans un tout petit club. Non, à ses débuts. Elle avait 20 ans. Putain, à 20 ans, elle fait ça. Et nous, putain, ouais. Elle avait 20 ans et elle jouait dans un petit club de New York avec ses musiciens et tout, qui sont pas très très bons d'ailleurs, et tout ça, et c'est marrant quoi. Et rien qu'à voir, 2 ans plus tard à peine, elle allait devenir une star mondiale, et alors que là, elle est toute frêle et toute jeune, c'est assez marrant. Quant à Led Zeppelin, hein, ils n'ont jamais rejoué la chanson en live. Déjà, John Bonham n'arrivait pas bien à faire le rythme du reggae. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il fait ce rythme à moitié bâtard entre du doo-wop et du hard rock. Enfin, c'est assez bizarre. Et puis, ils n'arrivaient pas à recréer l'atmosphère hein, d'un reggae band sur scène, ils disaient, parce que Led Zeppelin, c'est quand même un groupe de heavy metal au départ. Hein. Bon, à mon tour, direction New York, hein, avec un groupe de dance punk des plus appréciables, hein, The Raptures. On va s'écouter un morceau assez connu, hein, même je pense que c'est un des plus connus. Hein. C'est pas How Deep Is Your Love, c'est Echoes de l'album éponyme. On s'écoute ça tout de suite. Ah, cette descente de basse bien ronflante, cette guitare bien cinglante. Hein. On sent le petit côté sauvage du punk et le petit côté dance avec la batterie et tout, la basse que j'adore ronflante comme ça. Un album plutôt bien reçu, hein. Pitchfork en avait fait son album de l'année à l'époque. Hein. T'avais écouté ? Moi j'avais bien aimé Icos. Bah, pas à l'époque, mais bon, moi j'ai regardé Misfits en fait. Ah oui, ah oui. Alors ça n'a jamais été rose hein, pour le groupe au tout début, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de flops. Hein. Mais ils parviennent à enregistrer quelques morceaux à la sauvette, genre, tu sais, dans le garage comme d'habitude. Et ils se retrouvent avec leur premier EP, Mirror, hein, un album qui était un petit peu aride, mais ça leur a permis d'enchaîner quelques dates. Puis un jour, le groupe croise, attention, Mister James Murphy. Alias wow. LCD Sound System qui prendra le groupe sous son aile hein, pour cet album. Et du même album, je vous conseille House of Jealous Lover. C'est un morceau complètement dingue. En 2003, tu pouvais être sûr de trouver ce morceau dans tous les DJ sets et tout. C'était dans tous les petits clubs underground. Mais bon, alors pour être franc, le groupe s'est séparé en toute discrétion en 2014. Ça, je savais pas, hein, je l'ai découvert. Mais ils ont quand même marqué leur empreinte dance punk dans les années 2000. Hein. Et en attestent les nombreuses apparitions dans divers médias. Hein. Alors le film assez pourri, c'était super grave, moi j'ai pas trouvé ça terrible. Ah oui, super bad. Ouais voilà, super bad en anglais. Et bon, alors ce film est pas un chef d'œuvre, hein, mais bon, aussi on retrouve dans GTA 4, dans les radios du jeu, les fameuses radios du jeu de GTA 4, et aussi en tant que thème une émission Radio GTA. Radio GTA, c'est pas con du tout, Radio GTA, ce serait trop trop bien quoi. Et bien sûr, en tant que thème de la série... Misfits, c'est un peu comme ça que tout le monde a découvert le truc, hein, et ça a permis de redonner une seconde vie au morceau qu'on vient de diffuser. Alors je ne sais pas si vous saviez, mais Dr. Dre, le grand fabricant de casques, a un petit frère. Un petit fabricant de casques. Ouais. Et en fait, c'est un demi-petit fabricant de casques frère, en fait. Et en 1994, hein, ce jeune afro-américain d'1m89 met les charts à ses pieds, pardon, avec Regulate, son premier album. Il annonce l'ère du G-Funk, après bien sûr les NWA. Qui est considéré comme le premier album de G-Funk, mais... Whatever. Écoutez bien, parce que vous avez la définition de ce style musical dans le morceau. Tendez bien l'oreille. Warren G avec Regulate. On s'écoute ça tout de suite. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Mount up! It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets, trying to consume some skirts for the E, so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC, on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search, know what's up with 213. So I hooked a left on 21 and Lewis, some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm stuck. Since these girls peeping me, I'm gonna glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly, let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make some bodies turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb. Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G. Just like I thought, they were in the same spot. In need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. Sexy as hell, I said, ooh, I like your size. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the east side. G-Funk, step to this, I dare ya. Funk, on a whole new level. The rhythm is the bass. Whoa. And the bass is the treble. Chords, strings, we brings melody. G-Funk, where rhythm is life, and life is rhythm. If you know like I know, you don't wanna step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. If you smoke like I smoke, then you're high like every day. And if your ass is a buster, 213 will wake you late. Vous l'aurez compris, hein, le G-Funk, c'est un mélange de funk. Et de G. Et de G, non, et de hip-hop. C'était bien. Ouais, c'est bon. Sympa quand même. Back en 94, hein, c'est Dr. Dre et la West Coast, hein, qui gèrent le style. Le premier album de Dr. Dre, du Chronique, c'est un peu la bible, hein, de ce style, même si je parlais du premier NWA avant. C'est bourré de samples de, des groupes de George Clinton, hein, Funkadelic, ouais. et Parliament. Ça se sent qu'il y a, quelque chose dedans. Ouais, mais bah, par exemple, Let Me Ride de Dr. Dre, c'est du George Clinton. C'est ce qu'ils écoutaient en fait, c'est ce que leur mère écoutait quand ils étaient jeunes, et du coup, ils se sont inspirés de ça. C'est assez sympa et qu'ils aient créé un style. Aussi bien, pour en revenir à Regulate, je trouve qu'il définit justement super bien le style. Et aussi, je trouve que c'est l'ambiance de la musique colle parfaitement aux paroles. Par exemple, si je te demande, ça t'a fait penser à quoi, l'atmosphère, l'air de... Quelque chose de très chill, je sais pas, à une soirée dans un club, mais avec des lumières tamisées, où t'as des gens qui font des petits pas comme ça. Et bah très bien, en fait... T'as dit le mot soirée, c'est ce que je voulais entendre. Ah bah voilà. Et en fait, voilà, c'est une virée nocturne, en gros, où Warren G, hein, cherche des filles, hein, dans la rue, comme on fait tous. Oui. Et il croise des mecs qui jouent au dé, hein, et il veut se joindre à eux. Il joue au dé pour du pognon, hein, bien évidemment. Et en fait, les mecs le dépouillent et le laissent comme ça, ils volent sa montre et tout, moitié à poil, et ils pensent qu'il va crever, quoi. Et pendant ce temps, hein, dans le vrai monde réel de la vie, Ned Dog roule en caisse et il croise une autre voiture pleine de nanas, comme ça nous arrive à tous. Ouais. Et elles le regardent tellement qu'elles ont un accident de voiture, les filles. Ça nous arrive à tous. J'ai vu qu'elles font que de mater Ned Dog parce qu'il est trop cool. Du coup, Ned Dog, il continue sa route parce que c'est un gros FDP. Et il voit Warren G, qui est allongé par terre en train de se faire lyncher par les mecs. Et du coup, il va les défoncer tout seul avec son flingue. Comme on fait dans la vraie vie. Et du coup, tous les mecs se cassent. Et puis après, bah, Warren G et Nate Dogg, ils retrouvent les filles, hein, qui sont du coup, elles sont pas mortes, hein, elles ont eu juste. Mais leur voiture est pétée, tu vois. Du coup, hop, qu'est-ce qu'il leur propose? Bah, venez dans notre voiture. Bah ouais. En plus, vous êtes tous ultra bonnes. Et bah, il dit next stop to the East Side Motel, donc je pense qu'ils vont aller faire un rami tous ensemble. C'est dingue, des soirées à Villon. Pour finir leur soirée. Bon voilà, c'est pas très fut-fut, hein, comme parole et comme chanson. Non. Mais ça décrit un peu une tranche de vie de tous les jours. Hein, une tranche de vie de rappeur. On va pas se mentir. Enfin, c'est pas ma réalité personnellement, hein. Mais c'est le but, je pense. Et puis bien sûr, pour tout l'apport musical de cette chanson, il fallait la mettre dans cette émission. C'est vrai, c'est vrai. Alors ce qui est bien avec un thème comme ça, c'est qu'on peut tenter de mettre des trucs qu'on mettrait jamais, tu vois, d'habitude. On va donc s'écouter Mellodrone avec Come and Try a Little Bit, hein. On s'écoute ça tout de suite. Alors c'est un petit peu spécial, hein, je préviens quand même. Allez, c'est parti. Come on. Alors moi j'aime beaucoup cette atmosphère, hein, parce qu'avec Mélodrone on est aussi entre l'alternatif, il y a beaucoup de lo-fi des fois, des sons un petit peu crades, des sons un peu mal enregistrés, on a l'impression que c'est mal enregistré, c'est très expérimental aussi. Alors c'est un petit groupe californien de la fin des années 90, hein, ils sont restés relativement confidentiels, comme beaucoup de petits groupes californiens de la fin des années 90. C'est vrai, ce qui fait leur charme. Voilà, et pour être franc, en fait j'aurais jamais découvert ce groupe ou ce morceau si j'avais pas joué au jeu Driver 3, qui était un très mauvais driver, hein, moi je tiens à le dire, j'avais pas aimé du tout. Mais bon, et comme je disais, hein, en prenant le risque de mettre des trucs un petit peu plus confidentiels comme ça, c'est aussi prendre le risque de rien trouver de spécial à dire, hein, comme maintenant. Donc je vous propose 30 secondes de silence. Non. Bon allez, on va quand même jeter, une oreille sur l'album Box, hein, de 2006. Vous trouvez des morceaux peut-être un tout petit peu plus connus du groupe, genre Orange Marmelade, n'est-ce pas Noé? Orange Marmelade, hein? Ah mais oui, mais oui. C'est exactement. Bon, j'ai entendu sur RFM l'autre jour. Tout le groupe a l'air de tenir autour de Jonathan Bates, hein, c'est le frontman, qui m'a l'air d'avoir Est-ce que c'est une famille avec Norman Bates? Je me demandais en fait si c'était la même famille, mais en fait le Jonathan Bates, il a quelques amis bien sympathiques, entre autres Johnny Marr des Smiths. Voilà, bon, voilà. Hein, ouais, c'est pas n'importe qui. Il a également joué avec M83, dont on parlait la dernière fois. Mais pour le moment, hein, il a l'air plus occupé sur ses side projects. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, si vous allez sur le site officiel, on s'attend à voir genre des images du groupe et tout. Non, ouais. En fait, t'as des vidéos de mèmes à la con, genre des WhatsApp bro. Est-ce et tout. Est-ce qu'on pourrait les qualifier un peu de salut, c'est cool, californien? Oh, je sais pas, alors là, salut, c'est cool. C'est, je lâche une bombe. Ah oui, alors là, oui, t'as carrément lâché une bombe. Voilà, donc si vous allez sur le site, vous attendez pas à avoir des vraies infos, hein, comme je l'espérais. Vous aurez des vidéos de chat, des mèmes, des trucs comme ça. Donc, pas très intéressant. Mais voilà, c'est un morceau que j'aime beaucoup dans son atmosphère. Pour la prochaine chanson de ma playlist, en plus de la dédicacer, bien évidemment, à Cornelius, hein, qui nous suit sur Twitter. Salut. Oui. J'aimerais évoquer ce sentiment de culpabilité que j'ai éprouvé en la mettant dans cette émission. Quand j'ai préparé cette chronique, hein, dans un bar hier, j'avoue que j'avais un peu honte, hein, de mettre le clip en plein écran sur mon ordinateur. D'ailleurs, le regard hautain, hein, du gars de la table d'à côté, on disait loup. Mais tu ici... mens, parce qu'il n'y avait personne sur la table d'à côté. Si, alors tu vois, on était à côté d'une Ah oui, d'une à la fenêtre, fenêtre, à la fenêtre. Et il y avait ouais. un mec et une meuf juste au-dessus de nous. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et la meuf était partie aux toilettes, enfin je sais pas où, hein. Et le mec regardait dans mon écran et disait c'est quoi. Enfin bref, ici on ne recule devant rien, Limp Bizkit avec Rollin. Voilà, c'est dit, on s'écoute ça tout de suite. Gonna do now. Keep holding on. tirer sur l'ambulance, hein, c'est beaucoup trop facile, hein, t'es d'accord avec moi? Oui, Vincent, je suis d'accord. Mais j'avoue que coucou Cornelius. Coucou Cornelius. Mais j'avoue que rien que le nom du groupe, hein, Fred Dust, le chanteur du groupe, a dit que c'était un nom de merde. Pour que, en gros, les gens pleins de préjugés n'écoutent pas leur musique, tu vois. Bah, c'est fait. Voilà. Mais comme autre nom, hein, ils avaient aussi pensé, entre autres, à Beach Piglet, hein, le porcelet de pute. Ou alors Sleep Dick List. Oh putain. Mais moi, mon préféré, hein, des noms qui n'ont pas été utilisés, mais qui auraient pu, hein, restera, ouais, vas-y, loin péter devant. Blood Fart, hein, littéralement le paix de sang. Bon, finalement, ce fut Limp Bizkit, hein, le biscuit mou. Voilà. Et on est toujours dans cette thématique très, bon, bref, voilà, tendancieuse. C'est drôle, hein, Fred Durst se situe toujours entre second degré et bien premier degré. Et les fans du groupe, eux, sont très premier degré, malheureusement. Un peu comme les gens, hein, qui regardent Moundir et les anges de la télé-réalité. Ouais, mais tous les soirs. J'ai regardé. Mais tous les soirs, tu vois. Enfin, pour résumer tout ça, hein, je vous conseille le clip de Rollin, hein, qui représente bien tout ce que je vous ai dit avant. Avec un caméo de Ben Stiller au début. Hein. On, oui, est en, j'ai vu. On est en 2000 et Limp Bizkit vient de sortir son album au carton de fou, hein, Starfish Chocolate and the Hot Dog Flavored Water. Hein. Notez que Starfish Chocolate d'ailleurs signifie bien l'anus, hein, l'étoile de mer en chocolat. Oui, exactement. Il y a tellement d'anecdotes, hein, sur Limp Bizkit qu'on pourrait faire un épisode entier rien que sur l'origine du nom, sur le guitariste ou sur leur live. Mais retenez une chose, hein, j'ai lu sur un blog un type qui écrivait que Limp Bizkit, c'est l'exemple type de tout ce que le divertissement populaire a de plus mauvais goût. Et quand on y réfléchit, c'est assez vrai, hein, y a des filles au gros nénés qui sautent au ralenti, hein, pour faire bouger leur poitrine, il y a des grosses bagnoles, hein, y a des textes de beauf, il y a plein de blagues de cul, rien que regarder leurs pochettes, hein, y a même des tags genre dégueulasses, tu vois, dessus, genre, tu sais, les fringues overgame, ouais, qu'on avait. Oh, dégueu. Limp Bizkit, au final, en fait, c'est le reflet de notre société d'entertainment et de fric. C'est un peu le reflet, ouais, dans notre miroir, le gros bouton au milieu du nez qu'on essaye de péter mais qui revient à chaque fois, hein. Limp Bizkit, ça représente un peu la merde, hein, dans laquelle on a tous les pieds et qu'on n'arrive pas à séparer. Tout ça va beaucoup plus loin, hein, que la musique, hein, et une musique qui, je vous le confesse, me plaisait assez bien, hein, quand j'avais 14 ans et demi. Je suis sidéré par cette facilité que tu as à écrire sur des trucs complètement aussi inutiles, aussi triviaux. Quitte à mettre Limp Bizkit. Mon dieu, alors que moi, j'essaye de tenir la barque sur mes anecdotes et tout, je trouve que dalle, et puis toi, oui, on va parler d'anus chocolaté et tout, bon, bref. C'est à mon tour, après ce truc-là, je sais pas comment le dire autrement. Je te propose quelque chose de plus calme, de plus léger, avec R et Alpha, Beta, Gaga, on s'écoute ça tout de suite. We'll be right back. R, ce sont des petits gars de chez nous, hein, des, comme j'aime bien le dire, France, hein, des Versaillais, il me semble. Hein. Alors, c'est dingue, tous ces groupes qui viennent de Versailles, et j'en parle tout le temps, c'est hallucinant. Ouais. Alors, R dans toute leur discographie. R dans toute leur discographie. Alors, c'est de la pop, de l'électro, de la psyché. Alors, il y a plein de synthés, des ambiances assez spatiales aussi. Mais surtout, c'est un groupe particulièrement connu pour faire des albums entiers de bandes originales pour des films de Sofia Coppola. Hein. Alors, je sais pas pour toi, mais la dernière fois, je te parlais du groupe français Phoenix. Phoenix et Versaillais, R aussi. Hein. Phoenix est assez proche de Sofia Coppola, vu que le chanteur sort avec Sofia Coppola. Et ben, ah, oui, R, ils ont fait des BO de Sofia Coppola. Oh. Alors, je sais pas, mais je commence à voir un truc se dessiner. J'ai un ami qui est Versaillais, il est jardinier, peut-être qu'il connaît Sofia Coppola. J'ai un ami qui est Versaillais qui avait un film de Sofia Coppola aussi. Ah oui, il a dû en voir un aussi. Ouais, alors c'est dingue, hein, toute cette mafia versaillaise qui se dégage comme ça, il y a un petit schéma qui se dégage. Pour ce morceau, hein, Alpha Beta Gaga, c'est tiré de l'album Tokiwoki. Hein, et j'aime beaucoup cette petite incrédulité, cette petite légèreté qui se dégage de ce morceau, c'est des petits sifflements naïfs. Je sais pas siffler, mais voilà. Si je devais conseiller des albums, hein, ce serait Moon Safari et The Virgin Suicide, tu m'en parlais, hein, c'est ouais, la BO du film. Playground Love, la fameuse. Voilà. Et ce morceau, justement, comment je l'ai découvert ? Eh ben, c'était en regardant les experts Manhattan. T'avais un expert sur, t'avais un épisode sur un meurtre dans un concours canin. Et à un moment, il y avait un défilé de chiens sur cette musique. Je dis putain, faut que je retrouve ce morceau. Voilà. Et puis sinon, à la production de cet album, on retrouve hein, Nigel Godrich, peut-être que tu connais. Elle me dit pas chic. Chic, ah peut-être chic, oui, mais surtout U2, Beck, Paul McCartney. Pas du tout, alors je confonds, mais c'est pas du tout lui. Tu couperas ce passage-là. Non, on peut, bien sûr, on a le droit de se tromper, on est un podcast amateur. Et surtout, Nigel Godrich, il est connu pour être le sixième Radiohead en quelque sorte. Hein. Mais voilà, ah. c'est un producteur qui commence à avoir pas mal de bouteilles derrière lui. Hein. On enchaîne avec déjà notre. En fait, l'ordre a changé, alors j'ai marqué notre avant-dernier morceau, mais pas du tout. On pourrait parler de mélange de punk et de rockabilly hein, ou de psychobillium, mais les principaux intéressés appellent ça du horror blues. Un grand classique, les Cramps avec Human Fly. On s'écoute ça tout de suite. Nine to six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. De chic, c'était Bernard Edwards. Voilà, exact. Les Cramps, une bien belle histoire qui débute en 72 lorsque Lux Intérieur prend en stop la jeune Poison Ivy. Bon, là, c'est leur nom de scène, hein, mais c'est pour qu'on s'y retrouve. En chemin, ils se découvrent des goûts communs pour les séries B, les vieux 45 tours de rock'n'roll. C'est quand même une chance inouïe, hein, surtout à cette époque. C'est comme si toi, Vincent, tu prenais en stop une nana fan des petites marques obscures de mozzarella et des et de émissions de Cyril Ferro. Exactement, c'est Slam. Slam. En 72, c'était les hippies partout, hein, les vieux rookies, on avait plus trop, alors des jeunes rookies, je vous raconte pas, il n'y en avait pas du tout. Human Fly apparaît sur le premier EP du groupe, hein, produit par Alex Chilton, hein, Alex Chilton, le mec de Give me a ticket to an airplane. Ah oui. Le Box Top, c'est une légende de la musique américaine. Hein. Il est aussi surtout connu hein, pour avoir fait partie de Big Star. Ah, j'adore Big Star. Très éloigné du côté obscur des Tramps. Pourtant, Chilton va produire même leur premier album après cette EP. Mon petit fun fact hein, sur les paroles de Human Fly, parce que c'est quand même la chanson qu'on a écoutée. À un moment, il dit « I got 96 tears and 96 eyes », en plus de faire une référence aux yeux de la mouche, hein, qui sont fragmentés, ouais. Hein, comme tout le monde le sait. Ça fait référence à la chanson 96 Tears de Question Marks and the Mysterians, un groupe dont on reparlera sûrement dans un prochain On s'écoute. On aura attendu 9 émissions pour avoir du Daft Punk, hein. Ouais. On n'a pas parlé de Daft Punk avant, hein. Donc un album que j'adore en plus, hein. Sûrement mon préféré de Daft Punk quand même, Discovery. Et là j'ai complètement bloqué, quel morceau mettre, parce que tant de possibilités qui s'ouvrent avant. Ouais. Alors j'ai mis de côté les plus connus, hein, Do You D-A-N-C, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Et j'ai choisi High Life, hein. On s'écoute ça tout de suite, High Life de Daft Punk. Encore un groupe de Français, des Parisiens, avec pas de Versailles, qui sont potes avec R et Phoenix. Hein. Et Sofia Coppola. Exactement. Non, mais ça va commencer à se voir, ce trust musical de ma part. En fait, je suis en train de me rendre compte que je me répète tout le temps. Vincent Frentouch. C'est hallucinant. Bon, j'en avais parlé dans un épisode précédent. Thomas Bangalter, je le dis tout le temps, américaine, et Guy Manuel de Homem Christo, ils avaient fondé le groupe Darling en 92 avec Laurent Brankovitz, qui est maintenant dans les Phoenix. Et justement, pour aller plus loin, à l'époque, un de leurs morceaux de Darling s'est retrouvé sur une compile du label Duophonique, où ils étaient à l'époque. Un journaliste du fameux Melody Maker, hein, le fameux journal de review musicale, à l'époque, a pas eu l'air d'apprécier la musique et en les qualifiant de, je cite, Daft Punky Trash. Alors, je sais pas trop comment traduire, ce serait genre de la saleté de punk idiot ou des trucs comme ça. C'est voilà. Genre crétin. Ouais, c'est idiot, donc des punk idiots. Et a priori, la comparaison a plu parce qu'ils ont choisi ce nom-là pour plus tard. Hein, et dès lors, ils ont cultivé le mythe autour de leur personnage jusqu'en 96. Impossible de voir leur visage, ils étaient toujours casqués ou ils essayaient des casques à 65 000 $ pièce, d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, ils étaient toujours de cacher leur visage. Sinon, entre autres choses, hein, si vous fouillez bien sur le net, pour les fans de Discovery, regardez Interstellar 5555. The Secret of the quelque chose. Et c'est vachement bien, c'est un film animé écrit par le groupe. C'est un film qui est jamais sorti, mais vous pourrez le trouver facilement sur internet. Et en fait, vous comprendrez toute l'histoire derrière les clips du groupe. Petit fun fact, hein, le groupe s'est fait une renommée très très vite. James Murphy, encore lui, hein, le fameux LCD Sound System, le disait même dans un de ses morceaux. Attention, est-ce que tu t'en rappelles? Daft Punk is playing at my house. Et même David Bowie, très tôt, les admirait. Hein, il avait personnellement appelé le studio pour leur demander à ce que Daft Punk fasse un remix d'une des chansons de Bowie. Et en fait, ils ont dit... Non, ça ira, merci, on n'a pas envie. Voilà, ils ont refusé une demande explicite de David Bowie. Il faut aller loin, hein, ça va loin quand même. Ah, ils n'ont pas eu besoin de ça. Hein. Non, ils n'ont pas eu besoin de ça. Un mélange assez décrié pour la prochaine chanson par pas mal de monde. Pourtant, il a largement contribué à faire connaître le hip-hop dans les années 80. Aerosmith featuring Run DMC, Walk... Non, je rigole. On va écouter No Sleep Till Brooklyn des Beastie Boys. On s'écoute ça tout de suite. Yeah! Le morceau, ça ressemble un peu à une parodie hein, des groupes de l'époque. Rien que le riff de guitare, ça vous fait pas penser à quelque chose? Non, pas trop. I Love Rock'n'Roll de Joan Jett. Ah bah si, ok, bah si, maintenant que tu le dis. Et à vrai dire, un paquet d'autres morceaux qui utilisent le même genre de riff. C'est Kerry King, hein, le guitariste de Slayer, qui leur a fait ça. En fait, Slayer était aussi chez Def Jam, hein, le légendaire label du non moins légendaire producteur Rick Rubin. Rick a produit un nombre incalculable de succès, dont Walk This Way, dont on parlait juste avant. Ah oui, et forcément. En fait, mélanger le hip-hop et le rock, c'était un peu son credo à Rick. Hein. D'ailleurs, avec le groupe de punk hardcore qui était les Beastie Boys au début, bah, il va carrément cartonner. Beastie Boys qui signifie littéralement les garçons bêtes dans le sens bestial, mais Beast, c'est un sens assez amélioratif. Les sauvages, quoi. Ouais, c'est un sens aussi amélioratif, genre Beast, tu vois, putain de bête. Dans le sens animalier, oui, c'est ce que j'écrivais, excusez-moi. Et c'est en fait un rétro-acronyme. Alors. Dans mes notes, attends, excuse-moi, parce que dans mes notes, j'ai écrit en fait, comme faire la fête. C'est terrible le matin, ça ne va pas du tout. Un rétro-acronyme, alors qu'est-ce qu'un rétro-acronyme? Je sais pas, bébé. Non, non, en fait, c'est le fait de faire un acronyme, mais cet acronyme aura un nom. Se fera un nom, Beastie en fait c'est un acronyme, Beastie signifie quelque chose, mais c'est l'acronyme de Boys Entering Anarchistic States Toward Internal Excellence, qui signifie en gros les garçons entrant dans un état anarchiste pour atteindre l'excellence interne. Comme ça la prochaine fois quand vous serez en soirée et qu'un type passera du Beastie Boys, entre deux mojitos et une petite cigarette slim, un cigario, vous pourrez dire bien fort c'est quel album des Boys Entering Anarchistic State Toward Infernal Excellence Boys, celui-là, et succès garanti hein, pour la soirée, vous serez le roi auprès de tous les chroniqueurs ou les chroniqueuses de chez Télérama. Allez, on reste dans le gros son, j'ai envie de mettre un petit peu de Queens of the Stone Age, alors je vais pas m'en prier, on va s'écouter I'm a Designer, c'est de l'album Era Vulgaris. Designer. Queens of the Stone Age, ça doit, figure-toi que ça va être un des groupes que j'ai le plus écouté au lycée. J'écoutais que ça à un moment, c'était... Ouais, c'est top. Et en fait, sur mon MP3, j'avais pas grand-chose. J'avais cet album, Era Vulgaris, parce que c'était l'album, et il y avait une version live derrière, et j'écoutais ça mais tout le temps, quoi. Et justement, I'm a Designer, j'aime bien ce morceau parce qu'il y a un petit passage tout calme au milieu et moi j'adore ça. Surtout, il y a un remix par Uncle qui est génial aussi. Voilà, c'est un groupe qui est porté par le charisme sans faille de son leader, hein, Josh Homme. Parce qu'il faut dire Homme. Voilà, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Pour vous situer un petit peu, il fait partie aussi des Eagle of Death Metal également. C'est le groupe qui officiait au Bataclan pendant les attentats de Paris. Alors, Josh Homme dans Eagle of Death Metal, c'est celui des deux qui dit le moins des grosses conneries. Voilà. Parce que l'autre, Jesse Hughes, c'est ça, Jesse, oui, il dit oui. Des conneries monumentales en ce moment, bref. Bah, de toute voilà. Façon, c'est toujours été un gros épique. Ah oui, oui, il est pro-avortement, il est contre l'avortement et c'est un pro-arme à feu, bon, bref. Donc, Kotsa est né sur les cendres de son ancien groupe, hein, Kyuss, et surtout... Kyuss. Kyuss, oh là là, moi je dis Kyuss, j'ai toujours dit Kyuss. Kyuss. Et surtout, so Queen of the Stone Age, c'est d'excellents albums, hein, Rated R, Lullabies to Paralyze, il y a Song for the Deaf aussi, qui est génial. Alors c'est difficile à... Avec David Sandalette à la batterie sur... Oui, il y avait Dave Grohl à la batterie à l'époque, oui, ex-Nirvana bien sûr. Et donc c'est difficile d'arriver à définir le style du groupe. Alors des fois c'est très hard rock, il y a vraiment du gros son, des fois c'est des trucs un peu plus légers. Make It With You, là, c'est un petit peu pop, c'est même une balade quasiment. C'est même des fois on oscille vers du metal ou même du stoner rock, mais ils ont toujours réfuté leur appartenance au stoner. Mais bon, vous l'aurez compris, Queen of the Stone Age, c'est un incontournable. Hein. Et d'ailleurs, pour les fans des Arctic Monkeys, on sent une petite patte de Josh Homme derrière, parce que c'est le producteur des derniers albums. Hein, Les trois derniers, et on sent que bon, il y a la petite patte Josh Homme derrière. Mais bon, voilà. Donc écoutez Queen of the Stone Age, hein, c'est très très bien. Bon, là, c'est un mélange de genres qui paraît opposé à un. En fait, pas tant opposé que ça si on pense aux protest songs et ce genre de trucs. Le mélange du punk et du folk. Voilà. Pour un morceau culte de Violent Femme, Please Do Not Go. On s'écoute ça tout de suite. Tell your man I'm stuck on this lovely girl. Cause to me she mean all the world. But then she like another guy. I fall down dead, she never see the tears I cry. I said please, please, please do not go. If I told her that I felt this way, you know, might make a turn either way. So all I can do is patiently pray, say please, please, please do not go. Bye. Punk folk hein, ou du folk punk, c'est selon vous Violent Femme, Violent Femmes, oh, je sais pas comment on dit, Chaos Violent je sais Femmes. Mais Violent Femme, c'est vraiment un groupe à part hein, même dans cette mouvance, ça n'a rien à voir avec les pogs ou ce genre de truc, là c'est du folk américain, un petit côté country blues en plus, et puis une façon de chanter assez punk hein, que je trouve vraiment exceptionnelle pour le coup. La batterie est composée par exemple hein, d'une caisse claire, un tom bass et une espèce de poubelle en fer. Et ça donne, il joue debout en plus le batteur, c'est marrant à voir et puis ça donne un son assez reconnaissable. Le tube du groupe, hein, ça sera Blister in the Sun, hein, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller l'écouter, il est super caractéristique de leur style. En 2006, le groupe Nars Barclay hein, a repris la chanson Gone Daddy Gone de Violent Femmes, ouais. Et en 2008, Violent Femmes a repris Crazy de Nars Barclay. Exactement, je trouvais ça marrant, c'est un peu comme les Libertines qui ont repris Who's Got the Crack des Moldy Peaches et Adam Green, hein, le chanteur des Libertines, des Moldy Peaches, pardon. A repris What a Waster un peu plus tard. Pour en revenir à Violent Femmes, je vous conseille d'aller jeter un œil, hein, c'est un groupe assez génial. Et pour faire un peu de pop culture, hein, comme Vincent. Ah, vas-y, vas-y, et j'adore ben, ouais, ça. Et ben ouais, j'ai découvert Violent Femmes quand j'étais un peu plus jeune. Ah ouais. Et je regardais Oh I Met Your Mother. Là, on sent que c'est le cœur qui parle parce qu'il a laissé tomber ses notes et tout. Ouais, ouais, là, là c'est de l'improvisation totale, c'est même pas écrit. Et je regardais Oh I Met Your Mother et dans un épisode, Marshall et Lily, parce qu'ils vont se marier, hein, désolé si vous avez pas vu oui, la série. Ils cherchent leur groupe de mariage et en fait pour l'engager ils veulent qu'ils jouent leur chanson à eux, et leur chanson à eux c'est une chanson de Violent Femmes qui s'appelle Good Feeling, et à la fin ils trouvent un groupe qui arrive à jouer Good Feeling à la perfection et du coup ils sont trop contents, et je me suis dit putain mais c'est trop bien ce truc là. Et puis j'ai découvert du coup Violent Femmes hein, par le meilleur album hein, celui où figure Good Feeling et toutes les chansons suscitées dans cette chronique. Allez, encore du dance punk, parce que j'aime bien ça au final, moi, le dance punk. Hein. Pour vous, chers auditeurs, c'est, mon papa, punk, c'est mon papa qui m'a fait découvrir ce groupe il y a de cela quelques années à Radio 4. C'est pas très très connu, mais bon. Et on s'écoute tout de suite Dance to the Underground. C'est parti. We'll be right back. name. Become a letterist. Convince your tongue's extreme. And well, y'all need some changes in the plans you made. We've got no arrangements for the sounds you make. There's some new attraction for your satisfaction. Don't you catch the upstream when it plays red? Alors Radio 4, c'est pas un truc forcément très connu, hein. Je pense que toi tu connaissais pas. Non. Alors les albums sont pas trop mal, hein, mais ils ont eu un succès relativement modeste, hein. Hormis pour certains morceaux, comme celui qu'on vient d'écouter, qui avait été utilisé pour une pub Coca-Cola. Et oui, forcément. C'est pop culture, Vincent, dont tu rayonnes. Ah mais moi j'adore. D'ailleurs en 2002, pour leur album Gotham, on retrouve en partenariat pour cet album, je vous le donne en mille, qui Le mec de Phoenix. Non, LCD Sound System. Alex Murphy de LCD Sound System, encore lui. Et oui, après Radio 4, c'est de la dance punk comme The Rapture, donc on peut penser que voilà. Mais j'ai tellement l'impression de me répéter aujourd'hui, c'est tout bonnement horrible. D'ailleurs, au niveau influence du groupe, on est dans du Gang of Four, ils aiment beaucoup les Clash aussi. S'entend le Gang of Four à mort. Ils essayent beaucoup de mettre des petits messages politiques dans leurs chansons, et ils sont aussi inspirés par Peel, hein, Public Image Limited, parce qu'il y a un morceau de Public Image Limited qui s'appelle Radio 4. Allez voir notre émission sur le post-punk, on parlait tous les bons. Exactement, et il y a un morceau de Peel qui s'appelle Radio 4, et ils s'en sont inspirés, bien sûr, comme Peel s'est inspiré de la vraie station de radio. Hein. Voilà, mais bon, on est loin de John Lydon et tout, hein, je te rassure, hein, mais bon. Voilà, comme je te l'ai dit, succès commercial, pas vraiment rendez-vous. Bon, j'exagère un peu, mais succès d'estime, oui, parce que bon, le groupe a vraiment bien tourné dans tous les clubs underground new-yorkais, hein, donc voilà, dans les milieux consacrés, comme on dit. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est un peu leur moto depuis le début, hein, leur musique est faite à New York, à propos de New York, et il faut que ça sonne comme New York. Voilà, ils aiment vraiment leur ville, et il y a toute cette petite scène new-yorkaise avec plein de groupes qui se concentrent, avec plein de groupes talentueux, et c'est ça que j'aime bien. Et puis il y a tout en fait dans ce groupe, il y a du punk, de la, du reggae, de la dance, même si j'aime pas trop le reggae, mais bon. Pour la dernière chanson, je vais vous demander à tous de déposer votre cerveau, hein, sur un meuble, celui le plus proche de vous, et d'écouter la chanson suivante avec le bonheur retrouvé, hein, celui de Marcel Proust. Sum 41 avec Fat Lip. On s'écoute ça tout de suite. Showing up. let you know when. Don't count on me, I'll do it again. La BO d'American Pie 2, putain. Oh là là, petit point pop culture, ouh là là. Pour je m'appelle Noé, je fais de la pop culture. Pour l'incruste dans notre playlist spéciale Fusion, on peut parler de pop-punk ici, le côté no-brain teenager, c'est ultra commercial du punk. On trouve aussi des couplets rappés hein, par le batteur et puis par Derek Wibley, hein, le chanteur. C'est la chanson signature un peu de Sum 41, c'est vrai qu'on dit Sum 41, on pense direct à cette chanson, c'est aussi celle qui a le mieux marché, je crois, je ne suis pas sûr. Mais il y a aussi DL Song, par exemple, Into Deep, hein, Still Into Waiting, Deep, Pieces, pour ne citer qu'elle. Ouais. Pour info, Fat Lip, c'est le nom qu'on donne à une lèvre gonflée après un coup de poing. Une grosse lèvre, en fait. Ouais. Le chanteur parle, pour ainsi dire, hein, de la chanson, il dit « The verse are really about what we do, growing up in the suburbs, going in parties and hanging out with friends and causing trouble. » A lot of people say they relate to it. Et c'est vrai, en fait, c'est vraiment des petits jeunes délinquants. Oui, bah, ils sont des branleurs. Des petits branleurs qu'ils étaient. Faut savoir que Sum 41, au départ, c'était un cover band de NoFX. Ah. Le grand groupe de punk hardcore américain. Et puis, un jour, ils avaient des noms pourris. Et ils ont décidé de changer de nom. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi? Oh, quelle date on est aujourd'hui? On est le 41e jour de l'été. Appelons-nous Summer. Sum 41. Summer 41. Et voilà. Oh putain, c'est bien ça. Ça, c'est de la bonne anecdote, tu vois. On va la sortir en soirée. Bon, il nous reste un dernier morceau. Hein. Voilà, désolé, ce qui arrive. On va dire quelques mots avant de se quitter. Hein. Merci aux quelques personnes qui nous laissent des messages via Facebook ou via Twitter. Alors, j'ai marqué dans mon conducteur qu'on va faire quelques couscous, mais non, on va plutôt faire quelques coucou. Je suis vraiment fatigué. Alors on a des petits coucous à faire. On va faire un petit couscous à Oasis. Ouais. Ouais. Oasis, couscous. Un petit couscous à Musica aussi. Ouais. Couscous à Cobal. Couscous à Cobal. Et bien sûr, Titours, hein, qui t'a dit qu'il ne faisait pas couscous, puisqu'il a déjà gagné la playlist Fusion. Un petit couscous à Cornelius aussi. Évidemment, ouais. Cornelius, tu es toujours dans le cœur de couscous. Les fidèles. Ça fait bizarre d'avoir des fidèles. D'ailleurs, faudra faire un petit couscous. Je voudrais faire un couscous à Noël aussi. Oui. Qui nous... c'est une idée. C'est une idée, ça. Mais c'est une idée, ça. Bon, bref, on va d'ailleurs rappeler où on peut nous retrouver. Alors, le Facebook, Noé, tu as la page? Ouais, la page Facebook, hein, c'est facile. Facebook.com/ on s'écoute ça tout de suite, tout attaché, sans cédille, sans accent. Surtout que je l'ai sous les yeux, mais j'ai la flemme de les regarder. Le Twitter, at on s'écoute ça. Le PodCloud, on s'écoute ça. Le podcloud.fr/ on s'écoute ça tout de suite. Voilà, et puis le flux RSS, on rajoute les slash RSS dans votre podcast addict, voilà. En ce qui concerne les prochains thèmes, on a quelques idées. Prochaine émission, c'est quoi du coup? C'est la 10e, attention. On va pas le dire, puisqu'on va faire gagner une photo dédicacée. Ah oui, c'est vrai. mais le thème promet d'être... Parce qu'on a plusieurs idées qui sont plusieurs mieux idées, les unes que les autres. Ah ouais, ça va promettre. Hein. Bon, bah du coup, ça nous fait aller 1h20 d'émission lorsque j'aurai fini d'enlever toutes nos conneries. Et Dieu sait qu'il y en a eu aujourd'hui des conneries. Hein. Faut qu'on arrête d'enregistrer le matin, j'étais particulièrement mauvais. Bon, sinon, bah, je vais terminer cette playlist. Et tant qu'à faire, je me suis dit, c'est le dernier morceau. Les auditeurs pourront couper plus tôt. Alors pourquoi pas mettre un morceau complètement... Moi j'aime bien, hein, mais complètement nul, hein, désolé de le dire. On va s'écouter un morceau tiré de la bande-son du jeu vidéo Saints Row 4, hein, pour les connaisseurs. Ah, alors comment décrire, c'est GTA, mais complètement barré, hein, on va dire ça. Et dans ce jeu, j'explique quand même le contexte, parce que vous allez comprendre, on a une arme qui s'appelle le Dubstep Gun. C'est un fusil qui balance des morceaux de dubstep en munitions, voilà. Comme un peu les acronymes de leur parodie de Bioman avec le super disque laser de Dorothée. Exactement, donc rien que ça, des morceaux de dubstep. Et c'est une arme assez efficace en plus. Hein. Donc on va donc s'écouter, j'en suis désolé, chers auditeurs, le morceau numéro 1 du Dubstep Gun, la fusion ultime du classique et du woob-woob, hein, du dubstep. Hein. Alors je vais quand même donner le nom de l'artiste, hein, faut lui rendre hommage, c'est Polyhymnia, c'est un morceau de Scott McMillan. Et rassurez-vous, ça ne dure que 2 minutes 30, donc attention, hein. Attention, ah, on s'écoute ça tout de suite, on ne gâche jamais son plaisir. J'ai pris une version bass boost, hein, tant qu'à faire. Ah ouais, monsieur, tant qu'à aller au bout des choses. Tu es si fin dans ça. Ah, mais moi je suis un fin connoisseur du dubstep. On vous dit au revoir, merci. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines, et désolé pour ce qui arrive. Au revoir.